Section 42 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 42, Les Amours de Gilles. Livre 2e, Pulcinelle, par Louis Morin. Chapitre 1er. Salut, Scaramouche. L'affaire de Padoue avait fait du bruit, comme les comédiens le prévoyaient. Les étudiants de Bologne, curieux de voir les gens pour lesquels s'étaient armés leurs camarades, envahirent le théâtre jusqu'aux places les plus élevées. On leur servit un docteur de Padoue qui les amusa beaucoup. Et Séraphine, grâce à ses avantages personnels et à son talent, se tailla un joli succès dans les fourberies de Colombine. Tout allait bien. Le directeur était content. La caisse s'emplissait. La troupe faisait bonne figure à Pietro, car on lui savait gré de ce qu'il avait fait à Padoue, et le succès de Bologne lui était en partie attribué. Du reste, on ne savait pas grand-chose sur sa position de fortune. On disait « C'est un jeune gentilhomme qui s'est amouraché de la soubrette. Quand il aura fini de dépenser ses écus, il s'en ira se faire tirer les oreilles par ses parents. » Léonarde, seule, savait à quoi s'en tenir, car elle avait sa petite police. Mais froissée par le peu de cas que sa maîtresse faisait de ses conseils depuis l'arrivée de Pietro, elle ne soufflait plus mot. Quant à Séraphine, elle était vraiment très éprise de son petit étudiant. L'argent que le prince lui avait donné durait encore. Elle avait une part importante dans les recettes que l'on faisait et Pietro ne la laissait manquer de rien. Ne pouvait-elle pas se donner la fantaisie d'être un peu amoureuse une fois par hasard? C'était une personne insouciante que la signorita. Elle avait fait ce qu'elle avait pu pour retenir le prince. Cela n'avait pas réussi. Tant pis. Mais elle avait des caprices à ruiner un financier. Il lui fallait une vie de fête continuelle, des parties de campagne où elle invitait toute la troupe, des promenades sur l'eau, des réceptions dans le salon de l'auberge. Elle voulait des habits de grande dame, de merveilleux costumes de théâtre. Pietro était trop amoureux pour calculer. Il donnait toujours. Il était si heureux de l'avoir satisfaite. Et puis, il se figurait que 3 000 ducats, ça devait durer toujours. Pendant quelques mois, cela marchait bien. Les marchands lui faisaient crédit sans qu'il le leur demandât. C'est à peine si la pensée lui vint quelquefois qu'il allait peut-être un peu vite. Puis un beau jour, sur une alarme inexplicable, Léonarde n'y était peut-être pas étrangère, les notes tombèrent dru comme grêle. Quand Pietro eut tout payé, il fut stupéfait de voir que sa bourse était presque vide. Le lendemain matin, dans la chambre d'auberge qu'ils occupaient, Pietro dit à Séraphine « Tu sais, je n'ai bientôt plus d'argent. »« Ah, tu n'as plus d'argent ? » répondit-elle sans interrompre sa toilette. « Qu'est-ce que cela fait, puisque nous nous aimons ?» Et ils ne reparlèrent plus de cela ce jour-là. Mais Pietro ne put dormir la nuit suivante. La constatation du vide de sa bourse détachait quelques-unes des écailles qu'il avait sur les yeux. Pour la première fois, il se rendait compte de la gravité de sa faute et de la vie qu'il allait falloir subir. Car il ne songeait pas un instant à quitter Séraphine. Retourner à Padoue, cela n'était plus possible. Il s'abaisserait vainement à implorer sa grâce. Aller se jeter aux pieds de son oncle? Non, 1000 fois non. Pourrait-il supporter sans mourir les reproches de cet excellent homme auquel il s'efforcerait de ne plus penser pour chasser le remords d'avoir trompé ses justes espérances? Et puis tout cela, c'était abandonner Séraphine, Séraphine qu'il aimait éperdument, follement, de plus en plus. Quelques jours s'écoulèrent. Pietro vendit des diamants qu'il avait. des montres qui lui venaient de sa mère et qu'il portait toujours sur lui. Mais il savait bien que c'était un expédient, qu'il allait falloir prendre une résolution. Un soir, Séraphine, le voyant soucieux, vint s'asseoir sous ses genoux. « Qu'as-tu, mon ami? Tu ne m'aimes plus ?»« Oh, ce n'est pas cela. Tu sais bien ce que je t'ai dit l'autre jour. Je n'ai plus d'argent. » Elle lui remit ses bras autour du cou. « Ta famille ?» C'était la première fois qu'elle lui parlait de cela. Il sentit ses yeux se mouiller et, faisant un effort sur lui-même, bravement, il lui raconta tout. Ce qu'il savait sur ses parents, son enfance, comment son oncle l'avait recueilli, élevé, tout jusqu'au jour où il l'avait vue dans sa loge à Padoue. « Pauvre ami, dit-elle, comme tu m'aimes, tu as tout sacrifié pour moi. Ne le regrettes-tu pas maintenant ?»« Si je le regrette ?»« Ah, Séraphine, comme je te donnerais de bon cœur ma vie, si la mort n'était la séparation éternelle, irrémédiable. » Et il ajouta, avec un tremblement dans la voix, « Je ne te quitterai que si tu ne veux plus de moi. » Séraphine l'embrassa tendrement pour toute réponse, puis il y eut un silence, et ce fut Pietro qui le rompit. « Écoute, Séraphine, je veux demander à Cornelio de m'engager dans votre troupe. » « Tu feras cela ? » ?»« Oh, comme tu m'aimes ! Mais pourrais-tu ? C'est difficile, tu sais. » « Quel rôle prendras-tu ?»« Je ne sais pas. Vous verrez quel est celui qui me convient le mieux. » Séraphine parut enchantée de ce projet. Pietro se sentait tout heureux d'avoir pris une résolution. Ils s'abusèrent de l'idée qu'il paraîtrait sur les planches et Séraphine lui prédit qu'il aurait beaucoup de talent. « Peut-être, dit Pietro, peut-être aussi ne serais-je jamais qu'un mauvais cabotin. » Mais si j'ai réussi, Séraphine, si j'ai du talent, promets-moi que tu seras ma femme. Elle resta toute surprise. L'épouser, elle. Cette offre de mariage, qui a tant d'attrait pour les filles galantes, l'attendrit tout à coup. Il avait touché à la plaie secrète que cachent souvent les fanfaronnades de vice, l'amer regret de la vie régulière. Elle lui promit tout ce qu'il voulut, et ils pleurèrent dans les bras l'un de l'autre. Au fond, tout cela ne paraissait pas bien sérieux à Séraphine. Elle s'attendait à voir Pietro disparaître quelques jours, comme tant d'autres. Peu après cette conversation, il y eut une réunion générale des acteurs. Pietro exposa sa situation et fit sa demande. Les braves gens l'admirent volontiers parmi eux. « Et parbleu, dit en riant Cornelio, notre troupe peut être bien composée. Elle se recrute en partie dans la noblesse. Nous avions déjà Monsieur le comte Carlo Maegui, nous aurons Monsieur le comte Pietro. » Cette assimilation au vieux, déclassé, ne flattait pas beaucoup le jeune homme, mais avait-il le droit de faire le difficile ? « Il s'agit maintenant, reprit Cornelio, de savoir le rôle que l'on t'attribuera. » « Tu remarques que je te tutoie, maintenant que tu es notre camarade. Nous ne sommes point comme ces acteurs des autres pays qui croient pouvoir jouer également bien tous les rôles et qui répètent comme des perroquets la leçon qu'on leur met dans la bouche. Pour nous, nous pensons que ce n'est pas trop de toute la vie d'un artiste pour créer dignement l'une des hautes personnifications dont se compose notre théâtre. » C'est à cause de cela que nous sommes les premiers acteurs du monde et que l'on nous appelle des quatre coins de l'Europe pour nous faire asseoir à la table des rois. Regarde-toi dans la glace, démêle la signification de ta physionomie, consulte tes goûts, rends-toi compte des passions qui te sont familières, dénombre les vices auxquels tu es enclin et décide-toi. Un scaramouche ne sera pas de trop dans notre troupe. Il faudra, si tu veux prendre ce personnage, que tu sois batailleur et poltron. C'est un joli rôle. Tu te vanteras d'avoir eu toutes les femmes et tu te vengeras des rébuffades en calomniant celles qui t'auront repoussé. Ce qui t'arrivera souvent, car tu ne seras guère attrayant avec ton costume noir et ta tête enfarinée. tu seras l'ami de Pulcinelle, et ce sera entre vous une dispute perpétuelle. Mais, lorsque son bâton se lèvera pour te frapper, tu disparaîtras si rapidement que l'œil du spectateur n'aura pu te suivre. Il faudra que tu sois leste comme Arlequin, fanfaron comme le capitaine, menteur comme Scapin. C'est un très joli rôle. Un Pierrot, un Bertoldo ou un Gilles nous seraient aussi fort utiles, car il n'y a personne ici pour remplir les rôles de jeune niais. Et je le regrette, tu serais tout blanc, blanc comme la lune, d'habit et de visage. C'est un très beau personnage, celui-là, car il faut que le bon sens se cache sous la balourdise et l'esprit sous l'ingénuité. J'aime mieux faire les scaramouches, dit en riant Pietro. Vous avez vu que je suis batailleur, et j'espère que je deviendrai par l'étude assez poltron pour tenir le rôle convenablement. J'aurai une épée. C'est une façon de rester gentilhomme. Il fut donc décidé que Pietro s'essayerait dans le rôle de scaramouche. Puis, comme la troupe était ce jour-là en humeur de plaisanterie, chacun des acteurs lui souhaita la bienvenue à sa manière et lui promit son aide. « Monsieur Pietro, dit le docteur, je suis votre serviteur de tout mon cœur. Vous avez fort bien fait d'entrer dans notre compagnie. Le théâtre est l'image de la vie. La vie est une comédie. Dixie, vive la science !» Pulcinelle s'avança et tira de sa pratique un cri aigu. « Brrr, mon ami Pietro, tu as cru apprendre quelque chose dans tes écoles. Tu ne sais rien. Moi, je t'apprendrai à rire de tout, à ne rien croire, à avoir la conscience large et facile et à te moquer des imbéciles qui trouvent cela mauvais. Brrr, faisons ce qui nous plaît. À bas le droit, vive la force, crois-tu que le droit pourrait quelque chose contre un voleur s'il n'avait pas la force pour l'aider à mettre ce voleur en prison ? À bas la justice, va-t'en voir si l'idée de justice existe dans la nature. C'est une invention de la cervelle humaine. Ami Pietro, quand on aura discuté de tout, raisonné sur tout, un coup de bâton sera toujours un coup de bâton. Brrr. Scapin vint à son tour. Pietro, je te salue. Je suis Scapino. Moi aussi, j'aurai à t'apprendre plusieurs choses de grande utilité. Comme Pulcinelle, je ne crois à rien, si ce n'est à la corde qui doit me pendre un jour. Mais n'ayant ni le courage de mon ami, ni sa force, ni son bâton, j'emploie des moyens différents pour faire ce qui me plaît. Je suis le trompeur, l'enjôleur, l'entremetteur, je suis plus fort que la force, je suis la ruse, vive la ruse. La fin justifie les moyens. Puis Arlequin. « Salut Pietro, moi je ne suis ni fort, ni fourbe, ni savant. Mais je fais ce que je veux, moi aussi, car j'ai l'esprit qui gouverne le monde, ma cervelle a mille facettes, comme mon habit. Je brille et je séduis. Mon noir museau de singe n'effraie pas les femmes. Elles m'adorent, je les amuse. Je suis souple, alerte, preste. Je me retourne dans les difficultés de la vie, comme le petit poisson qui brille et file dans les eaux tumultueuses. Puis le capitaine. Moi, je suis sot et poltron, mais je suis fanfaron, et cela me suffit les trois quarts du temps pour faire peur aux gens et en obtenir ce que je veux. Le quatrième quart, quand mon adversaire ne s'intimide pas, je détale, et je vais porter ailleurs mes gasconnades. Je suis comme les mannequins qu'on met dans les arbres, pour épouvanter les oiselets. Les plus petits moineaux, s'ils osaient, pourraient sans danger venir becquer les cerises à leur barbe. Mais ils n'osent pas. Et voilà pourquoi je suis un personnage considérable. Bonjour, Pietro. Puis Lélio. Sois le bienvenu. Moi, je n'ai rien à t'apprendre, car tu joues fort bien les amoureux. Tartaglia, qui vint ensuite, bredouilla quelque chose de si incompréhensible, de l'air le plus galant, que tout le monde se mit à rire. Et Paquette, qui arriva la dernière, lui tendit la main en disant « Moi, je t'aimerais bien ». Ce fut ainsi que l'étudiant Pietro fut reçu comme gagiste parmi les comédiens de Maître Cornelio, avec promesse d'une petite part sur les bénéfices. Il fut en outre convenu que, ne devant jouer d'abord que de petits rôles ou des rôles muets, Pietro rendrait à la troupe tous les services que son instruction lui permettait de rendre. Il serait en quelque sorte le majordome des comédiens, réglerait des comptes, ferait les partages du gain, rédigerait les traités avec les propriétaires des salles, ordonnerait les voyages, payerait les voituriers et les postillons, tiendrait la correspondance, toute charge dont Cornelio était très aise à se débarrasser, étant peu homme d'affaires et fort paresseux. Fin de la section 42, lu par Agnès Aubi, 2023.